À l'école, on nous a parlé des valeurs de la République. On nous a dit que la France était un état démocratique. On a retracé son parcours, les épreuves qu'elle a traversées. On a parlé des choses qui font la fierté d'un Français. 1789 marque le début de la libération. On a posé de beaux principes à la Révolution. Et aujourd'hui, nous sommes libres, frères, et tous égaux en droit. Stop ! À mon goût, il y a un truc qui ne passe pas. J'ai remarqué en grandissant des tonnes d'incohérences. Seulement, on nous conditionne pour qu'on n'en ait pas conscience. J'étais convaincu de nos bases en chantant la Marseillaise. Plus j'avance dans la vie, plus je crois que ce sont des foutaises. Moi j'aime la France ainsi que les principes écrits sur ses mairies. Mais ils ne sont pas respectés, l'État fait preuve d'hypocrisie. Apparemment dans le pays, on respecte ces trois belles valeurs. Soit ils croient en leurs conneries, soit ce sont de très bons menteurs. Liberté, égalité, fraternité, dis-moi pourquoi j'ai l'impression que ce slogan nous ment. Liberté, égalité, fraternité, serait-ce une illusion venant du gouvernement? Liberté, égalité, fraternité, est-ce qu'un jour elles ont existé réellement? Liberté, égalité, fraternité, il serait temps qu'on y réfléchisse sérieusement. Comment parler liberté quand t'as rien et jugé acte illégal? On n'est peut-être pas légal, mais leurs lois sont immorales. L'Obsidieux ou Léonard, en as-tu entendu parler? Elles enlèvent aux plus démunis le droit de se démerder pour se loger. Les SDF n'ont pas le droit de squatter les centres d'accueil quand on n'est plus dans le grand froid. Quel con a fixé le seuil au lieu d'aider son peuple? L'État se doit d'aider la Grèce, de toute façon la France n'est pas libre, l'UE la tient en laisse. Attends, on nous a possible la liberté d'expression, en particulier si tu remets en cause la publique opinion. Pas le droit de contredire la police, de critiquer Israël, de défendre le cannabis, en gros de parler de faits réels. Bref, la vérité n'est pas légale, sauf si on te la demande. En attendant, tais-toi, ferme-la ou on te mettra à l'amende. Il est temps qu'on reprenne nos droits et j'ai envie d'être plus clair. Je nettoierai bien les hautes sphères à grand coup de Karcher. Liberté, égalité, fraternité, dis-moi pourquoi j'ai l'impression que ce slogan nous ment. Liberté, égalité, fraternité, serait-ce une illusion venant du gouvernement? Liberté, égalité, fraternité, est-ce qu'un jour elles ont existé réellement? Liberté, égalité, fraternité, il serait temps qu'on y réfléchisse sérieusement. On n'est pas tous égaux en droit, ne parle pas d'égalité. Je vais évoquer des banalités mais qui sont bien d'actualité. Toujours les mêmes problèmes, il serait temps de passer à l'action. Nos politiciens sont là pour ça, trouver des solutions. Ils touchent une assez bonne retraite pour seulement 50 carrières. Là où des ouvriers bossent 42 ans pour une misère. De plus en plus de pauvres, les riches ont plus en plus de capital. On creuse encore le fossé en faisant sauter le bouclier fiscal. Et entre l'homme et la femme, on ose parler d'égalité des sexes. Pour même boulot, pas même salaire, j'en connais certaines que ça vexe. Entre clair et foncé, la couleur du sang n'est pas la référence. On a oublié que les indigènes ont aidé à libérer la France. Et à l'emploi, on ne respecte pas toujours l'égalité des chances. Positive ou négative, discrimination amène à tolérance. Mais on me dira que j'ai tort, que le système est très égalitaire. Pourtant, seul Sarko en France a pu se permettre de doubler son salaire. Liberté, égalité, fraternité, dis-moi pourquoi j'ai l'impression que ce slogan nous ment. Liberté, égalité, fraternité, serait-ce une illusion venant du gouvernement? Liberté, égalité, fraternité, est-ce qu'un jour elles ont existé réellement? Liberté, égalité, fraternité, il serait temps qu'on y réfléchisse sérieusement. Et pour finir, pour moi, peut-être la plus belle des valeurs, celle qui permet l'entraide quand vient frapper le malheur, celle qui appelle au respect plutôt qu'à la haine, à la peur de l'autre, de la différence, mais la prôner semblerait un leurre. J'entends un sale vocabulaire et franchement ça me saoule. Entre fils de pute, nique ta mère. Entre sale blanc, sale bouillule, putain c'est quoi ce bordel? Pourquoi cette tendance malsaine? Dis-moi, cracher sur les autres, est-ce que ça en vaut la peine? L'État crée l'esprit communautaire à travers les cités. Il a sauté la fraternité quand sont venues les inégalités. Et maintenant les ethnies s'affrontent, et ce à tout âge. Ça ne m'étonne même plus de voir Marine en train de grimper dans les sondages. Je sais que certains voteront pour elle, pas pour les bonnes raisons. Soit les choses resteront telles quelles, soit elles empireront. Bref, le gouvernement parle de solidarité à la population. Pourtant je me souviens d'une époque où on payer la délation. Liberté, égalité, fraternité, dis-moi pourquoi j'ai l'impression que ce slogan nous ment. Liberté, égalité, fraternité, serait-ce une illusion venant du gouvernement? Liberté, égalité, fraternité, est-ce qu'un jour elles ont existé réellement? Liberté, égalité, fraternité, il serait temps qu'on y réfléchisse sérieusement. Liberté, égalité, fraternité, dis-moi pourquoi j'ai l'impression que ce slogan nous ment. Liberté, égalité, fraternité, serait-ce une illusion venant du gouvernement? Liberté, égalité, fraternité, est-ce qu'un jour elles ont existé réellement? Liberté, égalité, fraternité, il serait temps qu'on y réfléchisse sérieusement.